A deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! It's down! It's down! He did it! He did it! Well, he did it! That's like, here's a shot! Henderson made a wild stab towards Bell. Here's another shot! Right by the shore! Henderson! And scores for Canada! Marc Andrews, c'est long! Et c'est capté! Julian Fairley! Jusqu'à la zone des buts. Touché pour la Rougière. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the band is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The band have won. Hey, bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés nous autres durant le temps des fêtes. Pierre-Luc Giroux à mes côtés. Pierre-Luc, ça va? Ça va bien toi? Ça va très très bien, passez des belles fêtes. Des très belles fêtes, écoute, on a eu droit à du bon hockey pendant le temps des fêtes. Oh, je pense oui. Qu'on a été servi là pour... Gâté. Un beau cadeau avec le gros chou dessus. Ouais. Je suis votre hôte Nicolas Ducharme et on commence l'émission en vous souhaitant une bonne année 2009 et que la santé soit avec vous. Pour nous rejoindre en studio, vous le savez, mais on vous le répète quand même, c'est très simple, vous écrivez ça au live, à commercial, inconduitedepartie.com, et vous pouvez visiter notre site internet au www.inconduitedepartie.com. Cette semaine, l'émission est plus que remplie, comme vous vous en doutez, on était absent pendant un petit bout, elle est consacrée en grande partie au hockey junior, plus particulièrement à la victoire du Canada au championnat mondial des moins de 20 ans. Mais tout d'abord, les actualités de la semaine. C'était le retour à l'action des Patriots hockey cette semaine, alors qu'ils disputaient leur tout premier match depuis le retour des fêtes. Il était intéressant de voir si les joueurs allaient avoir perdu de la vitesse due à la daine et à la tourtière du temps des fêtes. Donc, vendredi soir à Trois-Rivières, c'était les représentants de l'Université Brock qui allaient affronter la troupe de Jacques Laporte. Le brio de Jacques-Christophe Blanchard a permis aux Pats de l'emporter 4-1 alors qu'il a stoppé 21 des 22 tirs dirigés vers lui. Jean-Sébastien Breton a été le meilleur chez l'UQTR et quand il a deux passes. D'ailleurs, Breton a été nommé le joueur de la semaine chez les Pats. Félicitations à lui. L'équipe est toujours classée deuxième au Canada derrière les puissants Golden Bears de l'Alberta. Si la tendance se maintient, l'UQTR devrait être une des favorites pour remporter les honneurs canadiens en fin de saison. Au hockey junior majeur, la lutte s'intensifie dans la division TELUS Centre entre Shawinigan et Drummondville pour la suprématie québécoise, alors aucune des deux équipes pouvait se permettre de ralentir et ne peut se permettre de ralentir d'ici la fin de la saison. Et c'est exactement ce que les Cataractes ont fait cette semaine avec 6 points en 3 matchs. Tout d'abord, la semaine dernière, mercredi dernier, contre Lewiston, c'est une victoire de 4-3 de Shawinigan. Lalonde McNichol, Labrec, Pistulé et le nouveau venu Alex Grant ont tous récolté 2 points. La victoire va à l'affiche de Gabriel Girard. Samedi après-midi au Centre Georges Vézina de Chicoutimi, un défi pour les Cataractes alors qu'ils affrontaient les Saguenayens. Mais c'est une deuxième victoire par la marque de 4-1 pour les Cats. Dans cette victoire, c'est Mathieu Pistulé et Pierre-Alexandre Vandal qui se sont distingués, récoltant 2 points chacun. Et dimanche après-midi, au tout nouveau amphithéâtre de Shawinigan, les Cats recevaient encore une fois la visite des Maniacs de Lewiston, donc 2 fois dans la même semaine. Et ils ont été encore plus maniaques avec les Maniacs. Oh boy, la joke. Dans une victoire de 5... Ah, merci Pierre-Luc, tu m'encourages. Dans une victoire de 5-2 des Cats face à Lewiston. Pour les Cats, c'est le jeune Miguel Bournival, un jeune, on n'est pas habitué de voir son nom apparaître si souvent, mais qui a joué toute une partie, récoltant 2 buts et 1 passe. Timo Pallmeyer récolte cette victoire, tout comme il avait récolté celle de la veille contre Chicoutimi. C'était la date limite des échanges dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et les Cataractes ont été très actifs, obtenant les services de Maxime Massenauer, le défenseur Mathieu Bolduc, le joueur midget Nicolas Larocque-Marcoux et surtout Alex Grant, défenseur étoile des Sea Dogs de St. John's. Seul le défenseur Brad Yetman a quitté la Cité d'énergie. Donc, Pierre-Luc Giroux va vous en parler de long et en large plus tard dans l'émission. Au football de la CNA, la NCAA, c'était la saison des Bowls durant le temps des fêtes. Vous l'avez sûrement vu, il y avait du football en long et en large à travers la télévision. Donc, voici ce qui s'est passé pour le championnat national FedEx BCS Bowl. C'était l'équipe classée numéro 2, Florida, qui affrontait l'équipe classée numéro 1, les Sooners d'Oklahoma. Et pour la deuxième année de suite, c'est la troupe d'Urban Meyer qui remporte le championnat national. Et les Sooners d'Oklahoma perdent un quatrième bowl du BCS de suite, donc ça va pas très bien pour eux. C'est une victoire de 24 à 14 pour les Gators. Le joueur du match, Percy Harvin, le joueur d'âge junior qui était de retour d'une blessure à la cheville, a enregistré 171 verges totales pendant le match et un touché. Dans les autres matchs du Bowl Championship Series, on peut parler du Fiesta Bowl, où est-ce que les Longhorns de Texas ont remporté la partie 24 à 21 contre Ohio State, les Buckeyes. Dans le All-State Sugar Bowl, Utah sont venus casser, comme on dit, le party du BCS avec une victoire de 31 à 17 contre le Crimson Tide d'Alabama. Donc, c'est encore une fois une équipe qui n'est pas dans les conférences BCS qui remporte un bowl du BCS. C'est tout le temps agréable à voir pour prouver comment ce système-là est moyen. Et finalement, dans le Rose Bowl, c'était USC, les Trojans, qui affrontaient les Nittany Lions de Penn State, une victoire de 38 à 24 de USC. Alors, bien que Florida l'ait emporté dans le match de championnat national, nous sommes en droit, comme à presque toutes les années, à se demander qui est vraiment la meilleure équipe du pays. Est-ce Florida? Est-ce Texas qui ne peut pas croire qu'ils ont encore été snobés? Qu'ils ont été snobés en faveur d'Oklahoma, plutôt? Est-ce Utah qui est la seule équipe avec une fiche parfaite de la division Football Bowl Subdivision? Ou est-ce USC, que s'il n'avait pas choqué comme des champions face à Oregon State pour une deuxième année de fil, aurait facilement fait partie du match de championnat national? Personne ne le sait vraiment, comme à chaque année. D'ailleurs, Tim Tebow, le gagnant du trophée Heisman en 2007 et carrière des Gators de Florida, a annoncé, suite à la victoire, qu'il serait de retour avec l'équipe au lieu de se rendre disponible au prochain repêchage de la NFL. C'est beau avoir un gars qui a son université à cœur, autant à cœur, puis qui est prêt à refuser un contrat d'une cinquantaine de millions de dollars une fois dans les professionnels. Hein? Ben, ça, c'est clair. Pas tout le monde qui ferait ça, refuser ça? Non. Personnellement, je suis pas sûr. Moi, je serais retourné. Tu sais, il s'agit juste d'une blessure, puis ta carrière est finie, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, une blessure à l'épaule, là, ça peut finir une carrière de carrière, ça. En tout cas, félicitations, M. Thibault. Vous êtes un homme d'honneur. Et c'est ce qui conclut les actualités dans le sport. On va maintenant passer en musique avec la chanson qui a été nommée... Désolé. Avec la chanson qui a été nommée numéro 1 au palmarès C'est fou de l'année 2008. Voici Vive l'automne du groupe El Motor. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. de sortir la rondelle du coin. Hodgson pousse plus loin. Tavares remise devant. Attention, le dribble. Et le but! Marqué avec 5 secondes! Incroyable! Jordan Eberle qui marque! À 5 secondes de la fin de la troisième période, c'est 5-5! Tchernoff, là, doit marquer pour garder son pays en vie. Tchernoff s'avance devant Tokarski. Tchernoff, le tir, c'est l'arrêt! Et le Canada s'en va en grande finale du championnat mondial pour la 8e fois de suite! Esposito, Esposito qui profite là maintenant de la perte du bâton. Esposito s'en tire le but! Marqué par Angelo Esposito, c'est 2-0! Wow! Le championnat mondial de hockey junior pour une 5e année de suite. Wow, Pierre-Luc, je sais pas pour toi, mais j'ai la chair de poule. Oh, ouais, c'est que des beaux moments de hockey, ça, mon équipe. Ah, quel tournoi, quel tournoi. Ouais, t'as vraiment choisi des bons faits saillants, là, dans le tournoi. Premièrement, le cinquième but qui égalisait contre la Russie. Hey, j'y croyais pas. Non, c'est j'y ça. J'y croyais Ensuite, pas. La victoire en fusillade. On s'en allait pour une médaille de bronze. Quand ça fait 4 ans de fil qu'on gagne une médaille d'or, on s'en allait pour la médaille de bronze. À 5 secondes de la fin, Jordan Eberle. Super beau but, 5-5, on s'en va en fusillade, finalement, victoire du Canada contre la Russie, là, en fusillade 6-5. Que de beaux moments de hockey, là, c'était vraiment magique. Mais le jeu des Russes, en fin de partie, là, quand tu dis nonchalant, là, vraiment, domper la puck, domper la rondelle au fond. Ah, eux autres, c'était fini pour eux autres. Ah, mais c'était vraiment comme, pourquoi t'as fait ça? Il aurait pu essayer, tu sais, de s'avancer, passer à rouge. Là, on a un... Puis il l'a vraiment envoyé vite. Il a pas gagné de temps. Le joueur des... Je me rappelle plus son nom. Le joueur des Russes, là. Appelons-le Popov. Donc, Popov 1 et Popov 2. Donc, qu'il l'a envoyé, dans le fond, au bout. Puis, ce qui a donné un dégagement refusé. On reprend en zone. Les joueurs ont le temps de se reprendre en plus. Puis, je sais pas si t'as vu le jeu nonchalant sur le bord de la bande. Donc, on joue pas. Ça jouait pas avec les épaules. On jouait pas l'homme chez les Russes. Le défenseur qui... pour aucune raison, essaie de se coucher sur la rondelle dans un mouvement digne d'une équipe atome. Atome maison, même. Et après ça, Eberle. Et le résultat est là. Le Canada qui gagne une 5e médaille d'or d'affilée cette année, dans le fond. En plus, c'était devant leurs partisans à Ottawa. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y avait de l'ambiance en tabarnouche là, dans place. Il disait ça, là. Il y avait 19 000 personnes, 20 000 personnes environ à Ottawa. L'équipe du Kazakhstan contre qui le Canada a vraiment planté 15-0. Il y avait 4 fois plus de monde dans le Scotia Bank Plaza à Ottawa que de joueurs de hockey au Kazakhstan. C'est quelque chose. T'as vu hein? Des statistiques intéressantes, ouais, ça en est une bonne. C'est un programme en développement, comme ouais, on dit. Donc, on va en parler un peu du championnat mondial junior parce qu'il y a eu beaucoup d'actions pendant le temps des fêtes dans ce tournoi. Donc, on a eu droit encore à du bon hockey. Je pense qu'à tous les ans, là, on gagne en popularité pour le championnat mondial junior. C'est vraiment rendu un happening d'écouter le championnat mondial. Pendant la période des fêtes, on a le droit à de bons matchs. Canada-Russie, c'était excellent. En finale aussi, le Canada-Suède, je pense qu'on a eu droit à du très bon hockey, même si le résultat a été quand même facile pour les Canadiens, mais on a quand même un très bon match. Donc, on va en parler un peu. Donc, tout d'abord, on va parler de nos trois joueurs de la LGMQ qui ont été des joueurs importants dans la conquête de cette médaille. Tout d'abord, Angelo Esposito qui a marqué le but gagnant avec tout un but en finale contre la Suède. Il a été un joueur important dans les finales contre la Russie et la Suède. Je te dirais, là, avec le beau but qu'il a fait, là, ça va vraiment passer à l'histoire dans le top net du revers. Je pense que ça valait la peine là, de passer à l'histoire quand même. Ouais, là, ben, quand c'est même. Passé à l'histoire, mon Nicolas, son bâton est retiré au temple de la renommée du hockey. Ouais, parce que c'est le but gagnant, mais je veux dire, il était pas si beau que ça. Ouais, là. C'était un très très beau. Je veux dire, elle aurait dévié, touché sa fesse, elle serait rentrée, son bâton serait quand même au temple de la renommée. Je suis pas un fan d'Esposito. Moi non plus, je suis pas un grand fan, mais je peux te dire que. Il a bien joué. Il a bien joué. Puis je pense que ça, c'est vraiment sa persévérance. Écoute, ce joueur-là, qui appartient en ce moment aux Trashers d'Atlanta, ça fait 3 ans de fil qu'il se présente au camp d'entraînement. À tous les ans, il a été retranché, 3 ans de fil. J'ai vu les images à RDS, là, Nick, pendant 3 ans de fil, à 6h30 le matin. Il se fait attendre par les médias pour se faire dire qu'il est retranché. Puis il attend ses commentaires pour savoir... Parce qu'il est pas assez bon, dans le fond. Fait 3 ans de fil. Cette année, il se présente encore au camp d'entraînement. Il se dit qu'il va réussir. Ben, il a réussi. Puis, il a gagné, finalement, une médaille d'or avec le Canada. Puis, là, un petit clin d'œil qu'il a fait, là, à la fin, là. Sérieusement, là, ça montre vraiment la persévérance d'un joueur. Comment il a travaillé fort pour se rendre là. Puis, il y a que des félicitations pour ce joueur-là, Angelo Esposito. Là, c'est vraiment un bon exemple pour les jeunes. Là, puis, je me mets à sa place, là, 3 ans de fil, parce que les joueurs sont dans des hôtels, dans le fond, 2 par chambre. Imagine juste, t'es 2 par chambre, puis le matin, ils viennent, je pense qu'ils viennent cogner ou c'est par téléphone qu'ils t'appellent. Donc, y a-tu de quoi que tu veux pas, dans le fond, ce que tu veux vraiment pas, c'est attendre quelqu'un cogner à 6h30 le matin. Ils se font appeler. Ou que le téléphone sonne. Puis là, t'es les deux co-chambreurs dans la même chambre, tu te regardes puis tu fais non. C'est lequel des deux. C'est assez dur sur les nerfs, ça. Ouais, c'est sûr. Donc, Angelo Esposito, bravo. Je pense que ta persévérance a fait qu'un jour tu as enfin remporté cette médaille-là. Reste à voir s'il va avoir autant de succès, là. Pour la Ligue nationale et tout, ça va lui donner un petit peu plus de pushing, comme on pourrait dire, parce que pour l'instant, ça allait pas très, très bien pour Angelo, pour le hockey de la Ligue nationale. On va parler des autres joueurs aussi, Patrice Cormier, donc qui a été un très, très bon joueur aussi. C'est sûr que ça n'a pas été le joueur qui a marqué le plus de buts, mais il a fait des excellentes mises en échec pendant tout le tournoi. Il a brassé les clubs adverses, peut le dire. Puis je pense que quand il était sur la glace, là, il a vraiment donné son 100%. Puis lui aussi, je pense qu'il mérite vraiment sa médaille d'or. Troisième joueur, Chris DiDomenico, un autre joueur très important dans la victoire du Canada, lui qui a évolué aux côtés du prolifique John Tavares durant une bonne partie du tournoi. Je pense que il était capable de bien alimenter Tavares. Puis ça a été une très, très bonne combinaison là, de les jumeler avec Esposito sur le premier trio. Puis il jouait un peu plus physique aussi, DiDomenico. Ouais, DiDomenico est un petit peu plus physique. Ouais. C'est ça que ça prenait aussi là, pour le premier trio, parce que Tavares, c'est quand même pas très grand non plus. Là, donc, ça prenait peut-être quelqu'un pour brasser un peu les autres joueurs. Puis c'est un peu, quand on en parlait, dans le fond, là, DiDomenico puis Patrice Cormier, c'est le genre de joueur que le Québec est plus capable de faire, est plus capable de former. Des joueurs, ben là, je vais dire joueurs de soutien pour DiDomenico, mais il a quand même joué sur le premier, là, mais lui, Cormier, des joueurs, parce que pour ceux qui le savent pas, Cormier n'est pas québécois, là, il vient du Nouveau-Brunswick. Donc, les fameux joueurs de soutien qu'on développe pas au Québec parce que on joue du hockey un peu plus tendre, pour être poli. Ouais, on est rendu tendre. On est doux comme une bonne douillette, puis un chocolat chaud avant d'aller se coucher. Ouais. C'est sûr. Mais écoute, je pense qu'on a vraiment eu seulement trois représentants de la LGMQ, mais on peut dire vraiment. Non, ils n'ont pas été. Ça a été des rouages importants vraiment dans la victoire du Canada. Non, c'est ça. Donc on va parler des autres joueurs là, du Canada qui ont été les vedettes du tournoi. Tout d'abord, la grande vedette du tournoi a été, bien sûr, John Tavares, qui a été nommé le joueur par excellence du tournoi. Il a marqué en tout 8 buts et 7 passes pour un total de 15 points. Vraiment toute une vedette. Ça va être tout un joueur, ce John Tavares-là. Je sais pas si dans la Ligue nationale, ça va être aussi une superstar qu'il est en ce moment, mais je peux te dire que pour le moment, c'est vraiment la vedette là, vraiment dans la Ligue canadienne de hockey. Ouais, il manque un peu de vitesse. C'est ça son problème présentement, je vous dirais. John Tavares est un gars avec une vision de jeu phénoménale, des mains à en donner à tout le monde. Vraiment, là, tout un joueur, mais au niveau vitesse, patin, c'est là qu'il se fait différencier, puis c'est là que ça sera pas un Sidney Crosby ou un Alexander Ovechkin, où est-ce qu'il manque une petite coche, un Mike Modano, là, c'est très possible. Mais là, quelque chose comme ça. Il a tellement des excellentes mains, c'est l'enfer. Donc, maintenant, on va ensuite aussi, il y a Cody Hawkson, qui a aussi été nommé sur l'équipe d'étoiles du tournoi. Il a été le premier marqueur du tournoi, lui qui a récolté 16 points, ce qui est un de plus que John Tavares. Donc ça aussi, là, ça a vraiment été un rouage important. On va parler aussi de Jordan Eberle, lui qui est repêché par Edmonton, qui a été aussi un rouage très important. Il a marqué le but important à 5 secondes de la fin contre la Russie pour amener les Canadiens en fusillade pour finalement remporter... le match, si on perdait ce match-là, Nicolas, on se ramassait vraiment pour une médaille de bronze. Puis je pense que c'était un échec total. Ça aurait été vraiment... Ça aurait été un échec total pour le Canada. Anyway, je pense qu'à toutes les années, c'est le Canada, non, c'est l'or. C'est le Canada, c'est rien de plus bas. C'est vraiment la médaille d'or. Si on va plus bas que ça, je pense que c'est vraiment un échec à tous les ans. Quand ça fait 5 ans que tu as gagné la médaille d'or, écoute, là, on peut pas demander mieux. Totalement. Sur ces belles paroles, ces paroles patriotiques et inspirantes, on va passer à une petite pause. On vous revient, on continue à parler de hockey junior du championnat mondial et du hockey de la Ligue d'hockey, voyons, le hockey de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Passez, on s'en va une pause, on vous revient. Je comprends vraiment rien. C'est quoi ça, un tétrocard? La connexion, c'est pas pour les humains, c'est pour les robots. CNX, l'émission la plus geek de la radio. Jeudi 11h ou lundi 10h, dès le 8 janvier. Le vestibule. Samedi. Avis de recherche. Vous êtes un groupe de musiciens, on vous recherche. Le plus grand concours en Mauricie, les Mardis de la Relève du Gambrinus, est en pleine campagne d'inscription pour sa 12e édition. Plus de 10 000 $ en prix à gagner, dont des sessions d'enregistrement studio, diffusion radio et plusieurs autres prix. Les formulaires d'inscription sont disponibles au Gambrinus ainsi qu'à la station C'est Fou. Faites vite, le nombre de places est limité. Les Mardis de la Relève, un événement production Joshua et C'est Fou 89.1. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. Bonjour, je m'appelle Jennifer Carroll, je suis étudiante en ressources humaines et je suis aussi membre de l'équipe de natation des Patriotes. Je vous invite à venir nous voir nager, patiner, courir après des ballons et frapper des balles de golf. On représente fièrement notre école, fait qu'on aimerait vous voir nous encourager. Soit de la partie, soit Patriote. Yeah. Et c'était l'idiot du village du groupe Extérieur, chanson qui vient de leur tout dernier disque, l'album Monstre, deux petits points, Le Complot, qui deux est un album. Points? Deux petits points, les deux petits points par-dessus l'autre. Non, c'est que c'est un album qui est en trois parties et Le Complot est la première partie, ce qui explique les deux petits points. Vous écoutez l'inconduite de partie, il est présentement 9h36. Nicolas Ducharme derrière le micro, puis il y a Luc Giroux à ma gauche, et il fait un froid frigorifique sur Trois-Rivières présentement. C'est terrible. C'est terrible. L'enfer, les Esquimaux, ils nous trouvent tellement malheureux présentement. Ouais, oh non, on doit dire Inuit. Les Inuits, pas les Esquimaux. Les Inuits, c'est péjoratif de dire Esquimaux. C'est ça, les Esquimaux à Edmonton et dans mon congélateur. Pour nous rejoindre en studio, c'est le live à commercial inconduitedepartie.com, notre site internet, Hôtel Live, rajouter 3W. On continue à parler d'hockey junior. Eh oui, on va continuer à parler un petit peu du championnat mondial d'hockey junior. Donc, après Tavares et Hodgson, les autres joueurs de l'équipe d'étoiles du tournoi sont Jaroslav Janus, le gardien de la Slovaquie, qui a amené son équipe au match pour la médaille de bronze, mais qu'ils n'ont pas gagné malheureusement. Ce qui les a fait terminer au quatrième rang, mais ce qui est excellent là, pour une équipe comme la Slovaquie. Donc, je pense qu'on peut dire vraiment succès, un grand succès là, pour ce gardien-là qui a été un gardien l'enfer. Puis c'est rare parce que la Slovaquie sont jamais reconnus pour leur gardien de but. Autant que la République tchèque, qui est juste à côté, ont eu des bons gardiens. On peut les nommer les Vokoun, les Hašek, tout ça. Autant que la Slovaquie, je peux pas te nommer un gardien slovaque personnellement. Non, là. C'est ça. Mais ça promet, en tout cas. Ah ouais, c'est bon pour eux. Pour la Ligue nationale. Puis le jeune Tatar aussi qui a bien joué, qui a eu un bon tournoi. Oui, c'est vrai. Ensuite de ça, les défenseurs sont Erik Karlsson de la Suède, qui a été un joueur important dans la conquête de la médaille de bronze, de la médaille d'argent de son équipe. On peut dire qu'il en a donné du fil à retordre au Canada en finale. Donc c'est ça. L'autre défenseur est celui du Canada, Piqué Subban, qui a été une bombe d'énergie durant tout le tournoi pour le Canada. Il a été un des joueurs favoris des partisans à Ottawa. C'est un joueur avec beaucoup d'émotion, puis il a vraiment apporté beaucoup d'énergie à l'équipe canadienne. Puis c'est pour ça là, que les rumeurs qui tournent présentement autour du Canadien de Montréal, Vincent Cavalier, qui enverrait Subban à Tampa Bay. Ouais. Je pense que c'est la raison principale pourquoi je veux pas que cet échange-là ait lieu. Ouais, ben je pense que le Cavalier à Montréal, par exemple, tu serais pas déçu. Je serais pas déçu, avec là, mais... Avec ces saisons de 50 buts, là, je pense que ça aiderait vraiment le Canadien. Pas grave, je l'aime bien, Subban. Donc, ensuite de ça, d'autres noms. L'autre attaquant qui a été nommé sur l'équipe d'étoiles, Nikita Filatov de la Russie, qui a été le meilleur attaquant russe. Bien sûr que ça a été un joueur important là pour la conquête de la médaille de bronze de son équipe. Ensuite de ça, un autre nom qui apparaît pas là sur l'équipe d'étoiles, mais qu'on a remarqué beaucoup pendant le tournoi, c'est Victor Hedman de la Suède, le grand défenseur de la Suède, qui est le deuxième meilleur espoir de la Ligue nationale cette année. Derrière John Tavares, connais bien pas, sûr. Connais pas. Je pense que ça a été un joueur très dérangeant en finale contre le Canada. On se rappelle, là, par exemple, les échanges qu'il y a eu un peu avec, justement, Angelo Esposito. Mm-hmm. On va parler maintenant aussi du gardien Dustin Tokarski du Canada, qui semblait un très bon espoir, mais qui a été un gardien très décevant dans le tournoi, alors qu'il n'a jamais démontré qu'il était en confiance, regardant souvent derrière lui pendant la finale et aussi dans le match contre la Russie. Ouais. Je pense que sa nervosité devant le filet là nous a jamais démontré qu'on pouvait avoir vraiment pleine confiance en ses mais moyens. Sa performance en finale a été correcte. C'était une bonne performance. Sa performance contre les arrêts. Ouais, c'est ça. Mais contre les États-Unis, contre la Russie, j'avais le goût de me pendre. Ouais, ouais, je comprends pas pourquoi Pat Quinn... Surtout contre la Russie. Ah ouais. Ah, même les États-Unis étaient 3-0 après 5 minutes. Là. Je comprends pas que Pat Quinn y a été avec ce goal-là, ce gardien de but-là, au lieu d'y aller avec Chet Pickard, qui avait très bien fait dans les préliminaires. Là. Ah, c'est sûr. Mais comme on dit, tu vis ou tu meurs avec. Hein? On a gagné finalement avec lui. Mais en finale, c'est sûr qu'il a fait les arrêts. Je pense qu'il a été nommé justement là, dans les joueurs étoiles du match. Mais tu sais, je veux dire, il a pas fait les gros arrêts. Là, on s'entend-tu qu'il avait pas eu vraiment là, été occupé. Il avait pas eu vraiment des lancers difficiles. Il a vraiment fait les arrêts. Non, je l'ai vu pendant la partie. Il jouait à solitaire sur le dessus du net. Ouais, il avait amené son jeu de cartes. Fait que... Yes. Donc, avec ces 5 médailles d'affilée-là, le Canada, dans les 5 dernières années, est à 30 victoires, une défaite. Donc, on va aller tenter d'aller chercher une 6e médaille l'an prochain. Ce qui établirait un nouveau record jamais établi dans l'histoire du hockey junior. Puis ça va être le fun l'an prochain parce que le tournoi est encore au Canada. C'est à Saskatoon. Pas Winnipeg? Non, Saskatoon. Eh bien, donc, c'est-tu toujours représenté au Canada, ça? Non, c'est pas toujours présenté au Canada. C'est juste que il n'y a pas eu de candidature autre que celle du Canada pour l'an prochain. Donc, ce qui explique pourquoi c'est encore au Canada. Toujours mais Canada. Ça se parle lentement, mais sûrement que le tournoi serait tout le temps au Canada. Parce que ce qui arrive, là, c'est que pour la Fédération internationale de hockey sur glace, là, 20 000 personnes dans un aréna, par rapport, puis il y avait 10 000 personnes au Civic Center à Ottawa, par rapport à 60 personnes dans un aréna République tchèque, lequel des deux qui est le plus rentable? Ah, c'est toi? Sûr que ça rapporte beaucoup plus au Canada. Ouais. Donc, je pense que ça serait une bonne idée. Puis, le meilleur qui pourrait arriver, vraiment, c'est de l'amener à Québec. Oh, Québec. Mais non. Moi, je suis un gros fan de Moose Jaw. Je pense que Moose Jaw, tout ce qu'il faut pour vraiment... Ça, puis Flin Flon au Manitoba. Gros fan des deux places. Good. On va parler un peu de la LHJMQ maintenant. Donc, il y a eu vraiment beaucoup d'actions aussi dans la LHJMQ pendant le temps des fêtes. C'était la période des transactions. Donc, on a eu droit à de très bons échanges. Donc, les trois échanges les plus importantes, on va en parler le lendemain de sa victoire avec Équipe Canada Junior. Chris DiDomenico était échangé au Voltigeurs de Drummondville. En retour du gardien de but, Simon Giroux, un gardien de 16 ans. Mm-hmm. L'ailier gauche, Mathieu Gingras. Et avec ça, un premier choix de première ronde de 2009 et un deuxième choix de 2010. Donc, ça a coûté cher pour Drummondville, mais on est quand même allé chercher un joueur d'impact qui va peut-être vraiment pouvoir amener, là, dans le fond, la coupe à Drummondville. Un autre échange qui a été important, Alex Grant, qui s'en va vers Shawinigan avec un cinquième ronde 2010 contre... qui s'en va, dans le fond, à Saint-John, Danick Gauthier, et un deuxième choix de 2009, et un premier de 2010. Donc, encore une fois, on a donné un peu notre futur. Non, on hypothèque le futur. Mais je pense qu'on y va vraiment pour cette année. Ben, c'est ça. Puis, c'est un classique, là, je veux dire. Les équipes qui... on a déjà pensé à Rimouski, une bonne équipe à tous les 4 ans, là. Donc, tu sais, c'est... Deux années dans le fond de la cave, puis une année moyenne, une année on gagne la coupe. Fait que... Donc, maintenant, l'autre échange la plus importante... est avec Rimouski, qui sont allés chercher le grand défenseur Marc-André Bourdon, avec à l'aide de Mathieu Dupod, Justin McNaughton. Et regardez ça, qu'est-ce qu'on a échangé contre ça. Qui s'en va vers Rouyn-Noranda, premier, deuxième, troisième, septième choix 2009 et un premier, quatrième choix de 2010. Donc, c'est vraiment, là, ça, c'est vraiment hypothéqué ton avenir. Ouais. Mais Bourdon est un bon défenseur, très bon défenseur. Pour, c'est un gars de ma région, premièrement, là, Saint-Hyacinthe. Puis, pour en avoir entendu parler, ça serait pas une blessure qu'il y a eu l'an passé qui a hypothéqué sa saison un peu. Il aurait été repêché pas mal de temps. On avait besoin de renforts. On avait besoin de renforts parce que là, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés. Après ça, pendant le temps des fêtes, je te dirais qu'on a accumulé les défaites. Donc, Cormier n'était pas là, ça a paru. Je dirais que l'Océanique est vraiment baissé là, dans le classement. Donc, on avait vraiment besoin de renforts là, si on voulait aller un petit peu plus loin là, au tournoi de la Coupe Memorial qui sont présentés justement à Rimouski. Pour pas être des figurants. Non, c'est ça. Donc, on va parler des échanges qui intéressent nos équipes. Donc, premièrement, les Cataractes qui ont quand même bougé beaucoup pendant le temps des fêtes. On a acquis tout d'abord Nicolas Deslongchamps, des Tigres de Victoriaville. Ça, c'est sûr que c'est pas un joueur qui va aider pour cette année. C'est plus pour le futur. On est allé chercher, comme je l'ai dit plus tôt, Alex Grant. Ensuite de ça, un autre échange important. On est allé chercher Maxime Massenauer de Rouyn-Noranda. Donc ça, c'est un très, très bon joueur de centre, repêché par les Mighty Ducks d'Anaheim. Donc, je pense que ça aussi, ça va être vraiment un aide, là. Avec Lalonde McNichol, Vandal et tout ça, je pense que ça va être vraiment... J'étais surpris par que Massenauer, ça mène à Shawinigan. Ben, Massenauer est passé à un poil d'aller vers Québec, sauf que Patrick Roy, malheureusement, la journée s'est levée puis il n'a pas accepté l'échange. Donc, c'est pour ça qu'il s'est en allé vers Shawinigan, mais sinon, il s'en allait à Québec. Malheureusement. Donc, Comment ça, malheureusement? Heureusement, je sais que tu es un fan des remparts, mais on est dans la région de la Mauricie. Heureusement. Je suis bien content pour eux autres. Nicolas Larocque-Marcoux aussi, un joueur qu'on est allé chercher de Saint-John, qui n'est pas un joueur non plus qui va vraiment aider cette année. Mais c'est Mathieu Bolduc, le défenseur de 20 ans, qu'on est allé chercher à Chicoutimi, donc contre un premier choix 2011. Encore une fois, on hypothèque l'avenir. Mais je pense qu'un joueur d'expérience comme Bolduc, ça va être vraiment d'appui là, pour les séries éliminatoires. Ben, c'est simple. Les Cataractes visent leur première Coupe du Président en quarantaine. C'est en plein ça. Maintenant, à Drummondville, on a acquis Marc-Antoine Dupuis des Titans, qui est un autre joueur d'avenir. On a Gabriel Côté, qui est un bon joueur de centre de 17 ans, qui provenait aussi pour l'avenir. On est allé chercher, comme je l'ai dit plus tôt, Chris Di Domenico. On est allé chercher aussi un gardien de but très intéressant, Marco Cousineau du Drakkar de Bécomo, un gardien de 20 ans. Donc, avec beaucoup d'expérience, on espère que ça ne choquera pas dans les finales. Parce que Cousineau a l'habitude de ne pas livrer la marchandise en séries éliminatoires. Maintenant, on est allé chercher aussi un petit joueur, Francis Schenk. Je pense que c'est pas vraiment quelque chose qui va aider les Voltigeurs cette année, mais plutôt dans les années futures. Victoriaville, maintenant, on est allé chercher Pierre-Luc Pelletier des Maniacs. On est allé chercher Jean-Michel Fortier, Tyler Noiseworthy, Olivier Janard et Bradley McDonald. On peut dire que c'est pas vraiment tous des... Il y en a un joueur là-dedans là, qui va évoluer pour l'équipe cette année. C'est Janard, hein? C'est Janard. Ouais. Ouais. Donc, les autres, c'est vraiment plus pour les années prochaines. Donc, c'est ça. Maintenant, dans les autres équipes qui nous intéressent, parce que c'est sûr qu'on est quelques équipes à batailler cette année. Donc, l'Océanique de Rimouski, qui sont allés chercher aussi d'excellents joueurs. Tout d'abord, on est allé chercher Logan McMillan, un ailier gauche de 19 ans des Moussettes. Ça, c'est un joueur vraiment qui va pouvoir brasser la cage des clubs adverses. Un très, très gros joueur. Ensuite de ça, on est allé chercher Marc-André Bourdon, comme on l'a dit plus tôt, Mathieu Dupod et Maxime Ouimet, le défenseur de 20 ans du Drakkar. Donc, ça aussi, ça va être vraiment de l'expérience qu'on amène à Rimouski. Vente de feu des 20 ans à Bécomo. On vend ça. Deux pour un. Les remparts qui ont été quand même assez tranquilles pendant le temps des fêtes. Faut dire que les remparts sont allés chercher 8 victoires d'affilée pendant le temps des fêtes. Donc, je pense que Patrick Roy avait comme l'impression que son équipe était pour aller loin avec ce qu'il avait en ce moment. La seule acquisition, on est allé chercher Alexandre Néron de l'Océanique. On a donné un premier choix, troisième choix 2009. Donc, c'est sûr que Néron, par exemple, c'est pas vraiment l'attaquant qui va mener les remparts à la Coupe Memorial cette année. Mais on va y aller avec les effectifs présents, puis je pense que ça va quand même bien aller du côté des remparts. Maintenant, les Wildcats de Moncton, eux qui sont dans les premiers rangs cette année, eux, par exemple, on vise pas la Coupe Memorial cette année. On l'a vraiment dit. On n'a pas beaucoup bougé de leur côté. On est allé chercher la seule bonne acquisition, c'est Tommy Joly qu'on est allé chercher d'Acadie Batters. Très gros joueur, c'est aussi Tommy Joly qui va pouvoir brasser vraiment la cage des clubs adverses. Mais je t'ai entendu dire, on vise pas la Coupe Memorial. Non, on vise pas la Coupe pour cette année. À Moncton? Vise vraiment pour les années prochaines. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'ils ont adopté le statu quo durant la période des transactions. On parle vraiment cette année là d'une erreur de parcours pour leur équipe. Pour leur fiche, une erreur de parcours, c'est vraiment l'an prochain. C'est ça, on vise vraiment pour l'année prochaine à ce moment-là. Mais tant qu'elle arriverait cette année, ça serait juste un plus. Je pense que ça donnerait vraiment... Ça préparerait encore plus ces joueurs pour l'année prochaine. Qui sait, une dynastie? Mais le directeur général des Wildcats ne s'attend pas vraiment à voir les Wildcats gagner cette année, surtout avec les gros clubs comme Drummondville, Shawinigan. Je pense que Moncton sont un peu chanceux d'être où ils sont en ce moment. Il faut dire qu'ils ont quand même une beaucoup plus petite section que les autres. Ouais, aussi. Mais donc, belle façon de motiver les troupes. Ah, une belle façon de motiver les troupes. Mais tu sais, on y va vraiment. On dit la vérité, regarde, on joue pas avec. Oui, c'est une façon de voir ça. On joue pas avec ça. Donc, une autre équipe aussi qu'on pourrait parler dans les échanges. Donc, cette année, on a vraiment eu 4 équipes qui ont été acheteurs. On parle des Cataractes, des Voltigeurs, de l'Océanique et des Remparts. Tous les autres clubs ont été des clubs vendeurs. Donc, des clubs comme, par exemple, les Sea Dogs de Saint-John, qui était pourtant une des équipes qu'on voyait parmi les meilleures cette année en début de saison. Tu te rappelles, c'était une des équipes qu'on voyait vraiment à la fin. C'est carrément retiré de la course. Eux qui ont échangé 2 joueurs les plus importants de leur équipe, avec Alex Grant qui a été échangé au Cataract et Bourdon qui a été échangé à l'Océanique. Donc, je pense que les Sea Dogs aussi, encore une fois, là, on en voit ça dans les prochaines années. Une autre équipe comme les Huskies, qui sont pourtant premiers dans leur division. Ils n'ont pas voulu se lancer vraiment dans les gros achats non plus. Qui ont concédé Marc-André Bourdon. Excusez-moi, pardon, je me suis trompé. C'est pas Bourdon, c'est un autre joueur. Donc, et Maxime Massenauer. Donc, eux aussi là ont clairement annoncé qui préparait leur équipe pour les années prochaines. Donc, mais là, tu me vois venir, Pierre-Luc, là, avec tous ces changements-là, tout ça, est-ce qu'on a droit à la prédiction de Giroux? Ah, la prédiction de Giroux, regarde, si j'irais avec mon cœur, tu sais. Non, je veux pas le savoir, ton cœur, je veux ta tête. Mais les Remparts ont été, je pense, trop tranquilles pendant le temps des fêtes. Je m'attends pas à ce que les Remparts remportent cette année. C'est dommage parce qu'on vise cette année. Vraiment, les équipes, l'équipe, moi, que je crois qui va se rendre jusqu'au bout, c'est les Cataractes de Shawinigan. Vraiment, là, des bonnes acquisitions. Nouvel amphithéâtre, je pense que c'est vraiment l'année pour les Cataractes. L'année, le directeur Mondeau est très agressif, justement. Les Voltigeurs sont pas trop loin derrière, par exemple. Ça, c'est sûr qu'il faut pas oublier les Voltigeurs. Eux autres aussi, ça va bien à Drummondville. Hein. On a vraiment une nouvelle ambiance dans l'aréna. Je pense que les gens sont de plus en plus partisans de leur équipe. Puis je pense que ça pourrait être aussi l'année des Voltigeurs. Pour ce qui est de l'Océanique, on espère se sortir de ses blessures. On a aussi le retour de Kevin Veilleux là, qui se fait opérer bientôt, 23 janvier. On ne sait pas encore ça va être quand la date de son retour. Mais quand même, si l'Océanique réussit à sortir de ses blessures, peut-être vont être capables de rivaliser avec les deux autres équipes. Sinon, l'Océanique non plus, je ne crois pas qu'ils vont remporter la Coupe du Président. Peut-être feront-ils une surprise à la Coupe Memorial, mais encore là. J'en doute bien. Surtout avec la grosse équipe qui s'en vient, les Knights de London John Tavares. Et boy, et oui, on l'a vu, on a entendu parler. John Tavares, joueur par étoile, le fameux MVP du championnat mondial junior échangé aux Knights de London. Cette semaine, en compagnie du premier choix des Rangers, Miguel Del Zotto. Donc, c'est pas des 2 de pique qui sont partis vers London. Et le gardien Darryl Borden, en retour, les Generals d'Oshawa reçoivent 4 choix de 2e ronde, 2 choix de 3e ronde, l'attaquant Christian Thomas, le défenseur Scott Valentine et le gardien Michael Zador. Donc, gros échange, mais cher payé pour quelqu'un qui sera un joueur de location. Probablement pas. Non, l'équipe qui va, les Islanders vont le repêcher. Les Islanders? C'est mon impression. On va attendre. Ils travaillent fort en cette direction. Ils travaillent fort pour perdre. Ouais, c'est ça. Ben, on pourrait terminer un peu en parlant là, vraiment de ce qui s'est passé avec nos équipes pendant la période des fêtes. Donc, les Cataractes de Shawinigan qui ont connu un très bon temps des fêtes. Eux qui ont eu 8 victoires, une défaite en prolongation, une défaite en fusillade. Là-dedans, on peut dire qu'on a eu 3 affrontements contre Drummondville qui se sont soldés par une victoire en fusillade, une défaite en prolongation et une défaite en fusillade. Donc, c'est très serré vraiment entre les deux équipes, là. On a quand même eu 3 matchs qu'on est allé plus loin qu'en temps réglementaire. Donc, ça va être bon vraiment en série. Ça va être, ça va être vraiment bon. Seule défaite en temps réglementaire, ça a été contre les Huskies par 3-2 le 4 janvier à l'amphithéâtre de Shawinigan. Maintenant, les Vulture de Drummondville ont eu 7 victoires, 2 défaites, une défaite en fusillade. Là-dessus, on a eu 2 victoires sur les Cataractes, une sur l'Océanique. La semaine dernière, donc, et les 2 défaites sont contre le Rocket et les Olympiques, une défaite qui a été soldée par 10-2. Ça s'est passé le 4 janvier. C'était vraiment la mauvaise passe des Voltigeurs pendant cette période. Les Tigres, maintenant, eux aussi ont quand même connu un bon temps des fêtes. Mm-hmm. C'est sûr qu'on n'a pas eu des trop gros matchs. On avait vraiment plus des petites équipes. Mais les Tigres ont quand même eu 7 victoires, 3 défaites pendant le temps des fêtes. Donc, 2 victoires importantes sur les Huskies. Les seules défaites sont contre les Cataractes, les Voltigeurs et le Junior de Montréal. On pourrait parler maintenant des petites nouvelles de la LHJMQ. Premièrement, l'entraîneur-chef des Maniacs a été congédié. Ed Harding a été congédié cette semaine. Le remplaçant est Don McAdam, qui lui a déjà travaillé là, avec Jacques Demers et les Red Wings il y a plusieurs années. Autre nouvelle qui pourrait être très intéressante pour nous, Nicolas, le maire de Trois-Rivières a en fait toute une annonce là, la semaine dernière alors qu'il a annoncé qu'il voulait construire un nouvel amphithéâtre de hockey à Trois-Rivières et aussi qu'il voulait acquérir une équipe de la LHJMQ. Parce que les gens, lui, il dit que les gens ici à Trois-Rivières ne sont pas vraiment fans des Cataractes parce qu'on a déjà eu dans le passé vraiment une grosse rivalité là. Je pense que c'était les Bruins de Shawinigan. Les Cataractes de Shawinigan. Les Draveurs sont disparus en 91 ou 92 pour s'en aller à Sherbrooke. Donc les gens ici ne sont aucunement fans. C'est un peu comme on parle des Canadiens nordiques. Les gens de Québec qui sont pas capables d'aimer les Canadiens. Ben c'est un peu ça ici à Trois-Rivières qu'on n'est pas capable d'aimer les Cataractes. Donc le but vraiment du maire de Trois-Rivières serait d'aller chercher une équipe de la LHJMQ. On pense à des équipes comme Bécomo. Acadie Batters, qui ont de la misère à remplir leur aréna, et du Prince-Édouard aussi. Donc, je pense que dans les années futures, on pourrait peut-être s'attendre là, à une nouvelle équipe, mais bien sûr, le nouvel amphithéâtre, ça se fait pas. Ouais, c'est ça, ça se fait pas en criant ciseaux, là. Donc, puis je me demande juste au niveau de la pluie, je veux dire, je regarde. On est là, en tout cas, pour la pluie, ça, c'est ça. Oui, on est là, mais je compare un peu les Patriotes. Tu sais, qui ont des petites foules pis tout ça, je me demande vraiment ce serait quoi la réponse au niveau des foules. Ouais, c'est sûr que c'est quand même une ville étudiante ici. Ouais. Est-ce que vraiment les étudiants vont aller voir l'équipe de la LHJMQ? Mais en tout cas, je peux dire que nous, l'équipe de l'inconduite de partie appuie ce projet à 100%. Exactement. Donc, c'est ce qui conclut la partie hockey junior majeur. On va passer à la partie calendrier. Chez les Patriotes, ils sont en action 2 fois en fin de semaine au hockey. Donc, vendredi soir, ils seront à Toronto pour affronter l'Université York. Et ce samedi, ils vont affronter à Oshawa l'Université UOIT, c'est University of Ontario Technology, Institute of Technology. Et au soccer intérieur, c'est le début de la saison, dimanche, alors que les Patriotes féminines vont recevoir, les Patriotes vont recevoir l'UQAM au centre Alphonse Desjardins, que ce soit les hommes ou les femmes, les deux équipes vont être ici. Hockey junior, Pierre-Luc. Hockey junior, cette fin de semaine, donc on a le droit à plusieurs matchs de hockey, seulement un ici en ville. Donc à Shawinigan, premièrement, il n'y aura aucun match, ils vont vraiment être, ce vendredi, ils vont être à Gatineau. Match très important ce dimanche, ils seront à Rimouski. Les Voltigeurs, pour leur part, eux autres aussi ont des matchs très importants. Vendredi, ils se rendront à Québec, au Colisée Pepsi. Dimanche, ils seront à Gatineau. Et le seul match là, que nous avons là, dans la région est à Victoriaville. Ce samedi, c'est à 16h, alors que les Tigres recevront la visite de l'Océanique de Rimouski. Et c'est ce qui conclut les conduites de partie pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. On se laisse à la musique avec la chanson Nadine à la plage du groupe Le Volume est au maximum. Bonne semaine tout le monde. Merci beaucoup, bonne semaine.